Le point confinement. Le point confinement. Le point confinement. Presque tous les jours sur la radio des bons cons. C'est le point confinement. Le point confinement. Le point confinement. Ah que oui, le point confinement. Le point confinement. Confiné, confinement. Confiné, confiné. Confiture, confinement. Le confiture. Point confinement. C'est tout de suite sur la radio des bons cons. Le point confinement. Confiné, confiné. Confiné, la bonne saucisse. Confinement, confiné, confinement. Confiné, confiné. Confinité, confinité. Confinement, confiné. Confinette.